En flattant la vanité des gens, on peut leur faire commettre des sottises les plus grandes possibles. Fin de la section 16. Lue par Sandra, près de Montréal.